Entretien du porte-parole du comité de coordination nationale contre le blanchiment de fonds et les aides financières au terrorisme de la République populaire démocratique de Corée. Le 1er dernier, le département de trésorerie des États-Unis a déclaré définir officiellement notre pays comme état suspect du blanchiment des importants fonds et élaborer les règlements de mesures spéciales pour nous isoler davantage du système financier international. Nous qualifions la dernière mesure américaine d'un nouveau crime à l'encontre de la souveraineté et du droit à l'existence de notre pays et la condamnons catégoriquement. Impossible de parvenir à leur objectif, même avec la résolution de sanctions de l'ONU, les États-Unis cherchent sournoisement à réaliser le blocus général envers notre pays en remédiant aux lacunes de la résolution de sanctions de l'ONU au moyen de la violation grossière de la charte de l'ONU et du droit international et de la fabrication des sanctions séparées et supplémentaires. Ils parlent bruyamment d'une certaine application de sanctions et suscitent les pays voisins de notre pays à nous exercer plus de pression, mais leurs propos n'ont aucune signification pour notre pays. Non satisfaits des étiquettes de pays de prolifération nucléaire et de violateurs des droits de l'homme, ils veulent maintenant nous accuser d'état de blanchiment de fonds, mais leurs méthodes habituelles ne nous surprennent point. Mais le monde doit savoir correctement les démarches lâches américaines, contrairement à la bonne tournure de la coopération de notre pays avec l'Organisation internationale de contrôle financier dans le secteur international de prévention du blanchiment de fonds et des aides financières au terrorisme et en être vigilant. Partant de la position invariable contre le blanchiment de fonds et des aides financières au terrorisme, nous avons établi le régime systématique étatique tel que l'institution de la direction de contrôle financier et de la direction d'information financière en vue de la prévention du blanchiment de fonds conformément aux normes internationales, adopté la loi contre le blanchiment de fonds et les aides financières au terrorisme et raffermissant toujours la coopération avec l'organisation tout en adhérant même à la Convention internationale sur le contrôle des aides financières au terrorisme. Si les États-Unis comptent réaliser leur but politique malhonnête avec la dernière mesure, c'est une grande erreur. Les États-Unis ont beau recourir à tous les emportements désespérés, ils ne pourront jamais empêcher la marche de notre pays qui édifie une puissance socialiste avec le potentiel militaire invincible et l'esprit de la confiance en soi et de se renforcer soi-même. Pyongyang, le 4 juin de l'an 105 du juillet 2016.